Yo, I'm a Nick. Starts. Yes. What a move by Scott. Ewing with the spin. Ewing, yes. What a 10 seconds remaining. The Knicks lead by one. Out of Houston. Houston ducks under. Got it. Johnson cuts left. Now fires a three. It is good. And he's fouled. It counts. And he is fouled. Anthony for three. Puts it in. Hope you're ready for the next episode. Hey! Et parce qu'il ne faut pas perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, toujours accompagné de nos fidèles acolytes, Johanny. Bonjour à toi. Salut la team. Salut Julien, comment vas-tu? Salut les gars, ça va? Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour traiter de l'actu qui s'est déroulée depuis notre dernier podcast. Il s'est passé pas mal de choses, nous allons en parler, on va prendre le temps. Donc évidemment, on va évoquer le changement de présidence, on va également évoquer la fameuse trade deadline, et ensuite faire un point sur le bilan de Nonix, à savoir où il se situe, disons, à quelques matchs du All-Star Break. Voilà. Messieurs, bonsoir. Alors, changement de président, voilà. Donc, coup de tonnerre. Léon Rose, qui a été nommé à la présidence des opérations basket. Certains évoquaient Masai Ujiri. Donc finalement, c'est Léon Rose. Je voulais avoir un petit peu vos avis sur le sujet. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, peut-être Johanny, vas-y, lance-toi. Au revoir, président. Et au revoir, Steve Mills. Hein, beaucoup réclamé sa tête. C'est une année, finalement, on a beaucoup de changements. Une saison, on a beaucoup de changements. Après le départ de David Fizdale, dont beaucoup réclamaient la tête également, et ben, c'est Steve Mills, un ancien de la maison Knicks et de la Madison Square Garden Corporate, compagnie. Après plusieurs années de bons et loyaux, il quitte son poste de président. Alors bon, il va pas laisser un souvenir énorme dans le cœur des fans par rapport à son départ. C'est un changement de plus sur une saison finalement assez mouvementée. Hein. On a appelé le podcast le Knicks épisode. Il se passe toujours des choses. Et cette fois-ci, on parle du départ de Steve Mills. Donc, c'est une page qui se tourne. Au final, ce garçon, il retrouve une petite place dans l'organisation, dans le board du MSG. Rassurez-vous, il ne pointe pas aux acédiques. Il laisse son poste et l'intérim maintenant à Scott Perry, qui a dû gérer les affaires au moment de la trade deadline, tout seul comme un grand. Donc, c'est un départ qu'on attendait, enfin que beaucoup réclamaient. Est-ce que ça sera un nouveau départ pour les Knicks? On l'espère, un départ qui va pas faire de mal en tout cas. Hein. Ça permet de repartir sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus neuf avec Léon Rose, qui est quelqu'un d'assez influent dans la caste des agents NBA. Donc, oui, c'est ça. Si on arrive à calquer notre modèle sur ce qu'ont pu faire les Lakers récemment avec Rob Pelinka et un petit peu plus lointain dans le temps, les Warriors avec Steve Mayer, je ne me rappelle plus le nom de notre ami des Warriors. Oui, donc toi, qu'est-ce que tu en penses, Juju? Quel était ton point de vue, toi, sur ce changement? Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, notamment. Ouais, je suis d'accord. Sur Steve Mills, je suis d'accord, il n'a rien apporté, ou en tout cas, que des mauvaises choses dans le bilan. J'ai même vu une stat marrante, les deux saisons et demie où il est parti, puisqu'il est parti une première fois, on fait les playoffs, il revient, et après, on enchaîne que des saisons noires. Donc, c'est pas que de sa faute, mais il ne nous a pas forcément aidé dans le bon sens. Donc, c'est vrai que, franchement, on était contents. Après, l'annonce a été faite sur la fin de la trade deadline. Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire en timing. Bon, après, ça reste New York. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. On sait que niveau timing, nous, on est toujours à la limite. Il y a eu le problème avec Marcus Morris. Lui, il ne voulait pas le trade. Visiblement, Dolan voulait absolument le trade. On va en parler après. Je pense que c'est ce qui a fait cutter Mills très vite, en urgence. Moi, j'étais vraiment plutôt hypé sur Masai. Pour une simple et bonne raison, c'est que lui, on l'a vu en poste à Toronto. Il a fait il a fait des choses très... Enfin, voilà, ils sont champions, les gars... Même à Denver, il a eu un... Et puis même là, Toronto, il trouve des pépites, il les fait évoluer. Tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas frileux pour faire des trades, il tente des coups, il est... Bon, voilà. Le nouveau président, enfin, je ne sais pas s'il a encore pris vraiment ses trucs, parce qu'il est toujours agent de joueur, donc il ne peut pas cumuler, donc il va arriver. Enfin, en tout cas, c'est lui qui va être intronisé, là, Leon Rose. Aux États-Unis, ils sont hyper hypés sur ce gars. C'est un agent ultra réputé, ouais. Voilà. Et bon, alors, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, Devin Booker et tout. Bon. Melo. Ouais. Melo, LBJ, Iverson. LeBron James, c'était au départ, il n'est plus, mais oui, bon, voilà. Iverson, c'était il y a longtemps. Hein. Voilà. Ouais. Mais il faut bien comprendre que tous ces joueurs qu'on a cités ne vont pas rejoindre New York. Hein. C'est clair. Il faut pas faire de raccourci. Il y a aussi autre chose, c'est que tout à l'heure, Johnny a parlé des Lakers et des Warriors sur qui on veut un peu calquer le modèle. Côté Lakers et côté Warriors, l'agent de joueur qui a pris le poste de président était entouré. Aux Warriors, il y avait quand même juste Jerry West. Donc voilà. Et aux Lakers, Pelinka était dans la franchise via Kobe depuis très longtemps. Il connaissait la maison. Il y avait Magic Johnson. Tu vois, il n'arrivait pas de nulle part. Ouais, il était GM d'abord avant le départ de Magic l'été dernier. Mais oui, c'est des gens qui ont eu le temps de faire leurs preuves aussi dans un rôle de front office, parce qu'un genre de joueur et front office, c'est pas tout à fait le même délire. Hein. Ouais, donc, bon, on verra sur Leon Rose, c'est quelqu'un d'influent, à voir s'il arrive à faire des choses, à faire venir des joueurs, parce qu'au final, moi je pense même que Mills, il paye le contre-coup de la free agency de l'été dernier qui a été loupé par les Knicks. Hein. Faut appeler un chat un chat. Je pense que Scott Perry et Steve Mills, au regard de ce qu'ils ont fait la saison dernière, ils ont permis d'avoir pas mal de cap space. Ils ont dégagé des contrats, ils ont dégagé Porzingis. C'était dans le but d'attirer du lourd, de faire signer du gros poisson cet été. Ça n'a pas été le cas. Les résultats sportifs derrière, c'est pas mirobolant. Donc je pense que Dolan, il a dit bon, ça suffit, allez. Ouais, il paye ça, mais il y a pas que ça. Il paye, enfin, c'est des années et des années. Mais sur le Leon Rose, moi je reste dubitatif. Clairement, il est coté visiblement dans le milieu du basket, la NBA, il a ses entrées et tout. Maintenant, les gars, jamais fait ça. Et le problème, c'est que Perry, en l'accompagnant, je ne sais pas ce que ça va vouloir. Peut-être ça va être très bien. Il n'est pas certain que Perry reste non plus. Hein. Ouais. Oui, évidemment, il y a ça. Puis après, ça marque vraiment la rupture entre la politique qui a été menée avant, qui était vraiment de débrécher un peu, de se débarrasser des contrats toxiques. On avait vraiment beaucoup de choses qui traînaient en héritage. Le travail de fond était dans un premier temps de gagner en flexibilité. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait. Après, maintenant, le fait de nommer Leon Rose, alors, j'y vois comme un signal fort, peut-être, on verra. Mais sur le fait d'être forcément plus axé au niveau des trades purs que vraiment la free agency. Donc, bon, à voir. C'est aussi un portefeuille, c'est des contacts, c'est... Voilà, donc bon. Après, dernièrement, depuis que Leon Rose est arrivé à New York, Joel Embiid a le boost de Philadelphie. Ouais, faut pas aller trop vite en rumeur, mais... On rigole. Parce que derrière, t'as Jimmy Butler qui est en train de le draguer pour venir à Miami, quoi. Oui, non, mais on rigole, non, mais... Et comme j'ai dit, il mélangera, à mon avis, pas son réseau en tant qu'agent et son poste de président. Il ira au mieux pour ses clients et j'espère au mieux pour la franchise. Mais disons que si cette méthode a marché aux Lakers, si cette méthode a marché aux Warriors, on fait bien de s'en inspirer. Ça montre qu'on veut tourner la page. Finalement, on change d'air. Oui, Mills était dans le front office des Knicks depuis un bon moment. Il a eu différents passages. Je pense qu'au moment où il était GM sous Phil Jackson, voilà, l'influence, le rôle était très très minime. On oubliait même que c'était le GM. Il a pris la succession de Phil Jackson d'une certaine façon. Donc bravo à lui. Mais... Dans la médiocrité. Ça tourne la page. On a tenté un pari. Finalement, faut arrêter tous les plans développement durable des jeunes. On va en parler. Plusieurs saisons. On voit que c'est des cycles courts en NBA. Que pour moi, Dolan, c'est quelqu'un qui a pas de patience et qui a envie de gagner, mine de rien. Et là, il voyait qu'on allait nulle part avec ces deux cocos. Donc voilà, il tourne la page. Auprès de gens, il récupère Léon Rose, à mon avis, pour lequel. Il s'entend bien, donc avec lequel il s'entend bien, donc et puis, voilà, faut c'est pas oublier un truc. tu parles de patience, mais faut... on est fan des Knicks, on est fan de New York, on n'est pas fan, je le dis souvent, d'une franchise, d'une ville aux États-Unis comme Memphis, où il n'y a pas la même pression médiatique. À New York, quoi qu'il arrive, tu auras la pression, comme à Los Angeles. C'est un fait. C'est ça, ouais. Tu peux me parler de développement de jeunes, je pense qu'on y reviendra après, mais à New York, c'est un fait. C'est comme pour faire un amalgame avec le football, dans les grosses écuries, tu n'as pas la même pression que si tu joues à Guingamp, à Dijon, ou voilà. Là, tu vas fâcher plein de gens, là, en fait. Hein. Il y a des gens de Guingamp qui nous écoutent, de Dijon, d'ailleurs, on leur passe le bonjour. Guingamp, je leur passe un très fort bonjour, et Dijon, merci pour ce match d'hier, vous m'avez régalé. Et cette moutarde aussi, elle est toujours au top. Non, mais effectivement, ouais, les gros marchés sont scrutés, et puis ça fait un moment qu'on ne gagne pas, ou qu'il n'y a pas de play-off et autres. Donc, à un moment donné, la patience est compliquée. Et le plan Mills-Perry n'a pas marché. Donc, les gars, next. Même au-delà de ne pas gagner, on est un peu la risée sur pas mal de décisions ces dernières saisons. Il y a un moment donné, je pense que Dolan, qui a d'énormes défauts, bah, peut-être qu'il en a marre aussi, et peut-être que son entourage en a un peu marre aussi de se faire bâcher à chaque fois. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, je pense qu'il a envie que l'équipe gagne, c'est sûr. Enfin, tu peux pas avoir envie que ton équipe perde. Mais... Moi, ce qui fait que vraiment, je perds pas espoir du tout, c'est que voilà, on a toujours cette marge de manœuvre qui est encore possible. Ouais, ouais. Je veux dire, il n'y a pas eu non plus des gros moves que l'on doit subir sur X saisons, quoi. Donc, des gros buy-out que tu te traînes sur 3-4 saisons, non, ça va, quoi. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc, Joachim, si tu nous écoutes, Joachim, monsieur, c'est pour monsieur toi. Noir. Je ne sais plus quand c'est ce qui se termine, mais bon, voilà, quoi. Enfin, je crois que c'est sa dernière, là. Ouais, il serait temps. Ouais. Bon, ceci dit, ce n'est pas ça qui nous pénalise le plus, je pense. Non. Par contre, ce qui est, mine de rien, ce qui, enfin, faut rendre à César, hein. Ouais, effectivement, on ne sait pas comment dire, coincé avec des contrats toxiques ou longue durée. On n'est que sur des contrats courts, des team options, et on a quand même récupéré pas mal de tours de draft. Donc là, au moins, on a une certaine flexibilité sur les saisons à venir, à voir comment on s'en sert. Mais, Et bien justement, belle transition. On va évoquer justement la trade deadline, parce que justement, les tours de draft font partie des compensations. Alors en fait, tout le monde l'a su, c'était la surprise. Pas de gros move, et puis après, d'un coup, la Washboom qui tombe. Marcus Morris, échangé contre Moartless. Avec un premier choix de draft 2020, au premier tour, un de plus. Bilan des courses au niveau des drafts, on se retrouve avec 7 premiers choix de draft pour les 4 prochaines saisons, messieurs. Donc voilà, avec que des contrats courts, et je voulais avoir un petit peu votre ressenti justement sur ce trade qui a fait énormément de bruit du côté de New York. Je crois que Julien a surkiffé ce trade. Non, mais... Ah bah, vas-y Julien. Non, c'est pas... Alors... Dis-le. Non, mais j'ai pas aimé. Je suis pas heureux que Morris parte. Ça, c'est clair. Après, on est d'accord. Contrat, fin de saison, il était agent libre. Donc, on n'est pas sûr qu'il reste. Il nous a déclaré son amour. Bon, il a déclaré son amour aux Spurs en début de saison. Voilà, on sait. Donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est encore une fois le timing. On attend les deux dernières heures pour trader Morris. Et on récupère. Bon, tu l'as dit, un fin de premier tour des Clippers, donc c'est un fin de premier tour de draft 2020, et Moartless. Moartless, je vais évacuer tout vite, très vite le sujet. Mon avis sur ce joueur, c'est que c'est un joueur très, très moyen. Voilà, je pense que voilà, c'est un joueur qu'on récupère, mais il est très moyen. Je suis pas un sûr. Un bon joueur de complément pour compléter l'effectif. Je suis vraiment pas sûr qu'on le voit très longtemps à New York, en tout cas, je l'espère. Contre le premier tour de draft des Clippers, c'est un fin de premier tour. Et en fait, ce qui m'énerve, moi, c'est pas ça, je comprends l'intérêt. Ce qui m'énerve, c'est la maladie que j'appelle la maladie NBA 2K. C'est-à-dire que sur 2K ou dans le mode ESPN GM, tu as des tours de draft, tu les échanges et toutes les franchises sont un peu bêtes et tu échanges leurs meilleurs joueurs contre 3 tours de draft. Enfin, faut être franc, le fin de premier tour de draft des Clippers... Ah, il ne vaut pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se battre, sachant que c'est une draft qui est annoncée. Plutôt faiblarde. Après, il y a des fois des coups à faire, mais elle est plutôt faiblarde. Moi, ce qui m'embête sur la trade deadline, je vais être franc, c'est que Morris soit tradé, je le comprends. Maintenant, on avait beaucoup de joueurs à trader. On n'a pas réussi à les trader. Mais il y a des joueurs aussi, on a été frileux. Et là où je ne suis pas d'accord avec le management, c'est qu'à un moment donné, on parle de développement de jeunes. Je fais une tirade, après je vous laisse parler les gars, mais j'en ai marre. Vas-y, il faut que tu évacues tout ça. On me parle de développement de jeunes depuis très longtemps sur les réseaux. J'entends qui parle de ça. les plusieurs supporters des Knicks, dont je tairai le nom, et même des supporters américains, un peu moins eux. Mais bon, on n'est pas une académie. Et le développement de Joel, il faut avoir du potentiel. Aujourd'hui, clairement, on ne va pas se mentir, hein, Mitchell Robinson, Kevin Knox, Nili Kina, R.J. Barrett, Trier, Dennis Smith Jr. Combien de joueurs que j'ai cités, franchement, ont un potentiel tellement intéressant qu'on a envie de les garder. Moi, bah, je vois tous. Ouais, moi, je vois R.J., tu vois, tranquille. Et après, le reste, mais franchement, si tu as des opportunités, mais moi, je trade. Et je prends un exemple. Les Lakers, ils ont drafté Kuma et Kuma, comment il s'appelle Kuzma. Kuzma, Ball et Ingram. Ces trois joueurs sont plus forts que ceux que j'ai cités chez nous. Et Randle aussi, ils avaient Randle, mine de rien. Et Randle aussi, ils l'ont échangé avant. Et les joueurs dont je parle sont plus forts que tous ceux que j'ai cités à New York. Franchement, quand ils ont eu le cas Anthony Davis, ils les ont bazardés. Ouais, ils ne sont pas posés de questions. Il y a un moment donné, tu développes tes jeunes, mais si tu as une opportunité, vas-y. C'est des assets. Mais exactement. Nous, le problème, c'est que quand je vois le trade de D'Angelo Russell, et après je vous laisse parler, on était franchement très bien positionnés dessus. Il fallait donner Trier, à lui tu le donnais tout de suite, Dennis Smith, voilà. Mais il y avait Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson, ça a embêté un petit peu les Knicks, ils se sont montrés gourmands. Oui, mais non, tu comprends. Mais franchement, tu le donnes tout de suite. Ok, D'Angelo Russell, ce n'est pas le meilleur meneur de la ligue, mais c'est un joueur référencé, c'est un all-star, c'est un joueur qui peut t'apporter quelque chose. Qui est jeune aussi. Nous, en fait, on est frileux et on a des assets, mais on les garde, mais on n'en fait rien. Et c'est franchement le problème. Ouais, moi, je pense que. Enfin, après, sur. Je coupe ta tirade, hein, à mon tour. mais effectivement, oui, le trade de Marcus Morris. Voilà, fallait s'y attendre parce que fin de contrat. Est-ce qu'il allait rester réellement? Est-ce qu'il allait être fidèle à sa parole? Bon, c'était difficile à. Ah, c'est difficile à jauger. Avec des résultats d'Enix qui sont en deçà du calibre du garçon. Là, il se retrouve aux Clippers. Il est nettement mieux là-bas. Il va jouer quelque chose là-bas. Il va avoir quelque chose en. Un objectif en fin de saison, quoi. Donc, atterrir chez un contender versus rester au Knicks, bon, ok. Mais c'est la contrepartie. C'est la contrepartie qui paraît un peu cheap, quoi. On récupère un tour de draft qui est vraiment pas haut. Bon. Et oui, il y avait d'autres rumeurs les jours précédents la trade deadline. Donc, Kyle Kuzma côté Lakers. Voilà, pourquoi pas. Il y avait également D'Lo qui était des Warriors. A priori, c'est plutôt Steve Mills qui avait le deal pas très très loin d'être conclu. Et est-ce que c'est ça qui lui a coûté son poste en dernière minute au niveau du timing? On en a parlé tout à l'heure. On a dit que le timing était un petit peu curieux, un peu très rapproché de la trade deadline. C'était peut-être aussi Exactement. Pour lui dire hey, mon coco, fais pas de conneries là. De toute façon, non, D'Lo, on n'en veut pas ou on veut pas lâcher tel ou tel joueur. Je pense que le plan du remplacement de Perry, du coach, de Steve Mills, tout ça, c'était prévu. Et donc, la trade deadline, c'était pas de faire de vagues, pas de laisser traîner des contrats dont on n'allait plus savoir que faire après. Donc, je pense que le trade de Marcus Morris, c'est un peu ça. On n'a pas récupéré grand-chose, mais on va pas plus le regretter. Peut-être que récupérer un joueur comme D'Angelo Russell ou Kyle Kuzma, bon, Kyle Kuzma, c'était plus compliqué. Les salaires ne matchaient pas. Fallait faire un package vraiment plus garni, conséquent. Visiblement, ça ne marchait pas parce que, je sais pas, on voulait Danny Green, on voulait 2-3 joueurs en plus. On a été extrêmement gourmands. On a dû être gourmands, mais bon, t'as rien sans rien. Dans la balance, hein. On n'avait pas grand chose à mettre, et puis les Lakers n'ont pas voulu se dépouiller, et limite, ils sont premiers à l'Ouest, ils n'avaient pas vraiment non plus raison de faire all-in pour récupérer Morris. Non, mais après, pour aller dans ton sens, Joanny, moi, ce que j'y vois aussi, c'est vrai que la compensation peut paraître cheap. Ouais, ok, je suis d'accord. Il y a compensation quand même, déjà. C'est vrai. Et au vu de la restructuration là, de l'équipe, et on n'a pas encore parlé du coach Mike Miller qui n'est pas sûr d'être reconduit l'année prochaine, là, vraiment, tu laisses un terrain qui est totalement libre pour pouvoir installer quelque chose et mettre en place quelque chose avec beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est pas forcément entamer des gros moves, alors que à ta direction, t'es même pas sûr d'avoir la même team à l'entame de la prochaine saison, quoi. Donc, en gros, le prochain président, le prochain GM, le prochain coach, ils ont un peu tout à reconstruire l'été prochain. quelques joueurs à garder. On a des team options, donc on a le choix, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, parce que les Elfrid Payton, qui d'autre, Reggie Bullock et autres, on peut encore faire affaire avec eux sur une saison. Alors après, ils n'iront peut-être pas reconduire leur contrat au-delà, mais on a la main, en fait. Donc, limite, les Knicks ont plein d'assets, et le tour de draft récupéré des Clippers, c'est un asset parmi d'autres. Franchement, récupérer un fonds de premier tour, il y a moyen de faire de belles affaires. Hein. Kuzma est entre autres un fin de premier tour. Mais moi, je vois plus ça comme de la monnaie, comme de l'échange, comme de l'asset. Ouais, c'est ça. À voir si on va faire du trade pour drafter plus haut l'été prochain, ou si on va faire un package avec, on disait, Dennis. Ouais, mais ça t'ouvre pas mal de possibilités, ouais. Ça donne de la marge de manœuvre. L'équipe va encore beaucoup changer, je pense, hein, d'ici la prochaine saison. Mais au moins, ça donne de la marge de manœuvre. Donc, ouais, on récupère pas grand-chose. De toute façon, la saison, on joue plus grand-chose non plus. Non, hein, mais on est d'accord. Joué grand-chose. Tu joues rien. Mais le truc, c'est que je suis d'accord. Il fallait récupérer quelque chose. Au final, on récupère quelque chose. Maintenant aussi, on l'a vu, les agents libres, parce qu'on va pas faire que des trades. Ça va être compliqué aussi. Les agents libres, on l'a vu à Brooklyn, ils aiment bien une équipe qui gagne. Où il y a un peu de résultats, ouais. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que moi, Maurice, je suis pas contre qu'il parte, hein, voilà et tout. Mais ça va être compliqué. Là, l'image qu'il va y avoir en fin de saison, il reste quand même 30 matchs. Si tu te passes 25 défaites. Non. À la... Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Parce que déjà, la KNF, il se déplace deux fois là, ouais, pour aller voir la MX. Donc c'est mort. Il n'y a pas 30 défaites là. Non, mais si à la fin, tu enchaînes que les défaites, l'image au moment où tu arrives à la free agency, c'est bon, de toute façon, les Knicks. C'est encore le bordel, ils sont encore là. Non, dis pas ça. Et voilà, non, mais. Tu peux pas dire ça. T'es en colère, c'est pour ça. Non, je suis pas en colère, je suis serein. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut quand même envoyer des signaux positifs pour attirer les gens. Je ne parle pas de contrepartie. Je comprends les assets et j'en suis le premier content qu'on ait un asset. Mais il faut aussi savoir attirer les gens. Et deuxième chose, on a déjà des jeunes, on a déjà des trucs, mais à un moment donné, c'est pas de les empiler, les jeunes. Non, c'est sûr. À un moment donné, c'est d'avoir des vrais joueurs quand même. Et on en parlera, le terrain te prouve que certains jeunes n'ont pas, voilà, tu vas en faire peut-être quoi pas, ont peut-être pas suffisamment le niveau, le talent pour... Je pense que nous, de toute façon, on n'est pas très fort au niveau de la draft, on n'arrive jamais à très bien drafter. C'est vrai. D'ailleurs, je suis tombé sur un truc intéressant, c'est qu'on a quasiment jamais donné un contrat post-contrat rookie. Le dernier, c'est Charlie Ward en 94. Ouais, je crois il y avait pas du David Lee, non? Il y a David Lee, mais on lui a filé un contrat d'un an, je crois. Enfin, ça compte pas pareil, tu vois. Vraiment, un contrat en mode les Knicks s'engagent, je crois, en tel joueur. Ouais, c'est Charlie Ward, quoi. RG sera peut-être le prochain, mais en attendant. J'espère, parce que bon, il a quand même du potentiel et tout. Donc, c'est un joueur de top draft, hein, numéro 3 quand même. Et on a vu de belles choses le concernant. On attend plus. Il s'est blessé, il revient. Bon, faut arriver à s'installer aussi. Mais oui, c'est les Knicks et la draft, c'est une histoire un peu compliquée, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que les tours de draft, oui, comme tu l'as dit, ça sert à rien de les empiler pour faire une collection de petits jeunes. Peut-être que dans l'autre, on trouvera un bon et une bonne pioche, quoi. Mais à côté de ça, tu risques aussi d'entraîner un paquet dont tu ne sauras que faire et qui ne te feront pas gagner les matchs que New York attend, quoi, en fait. La culture de la patience à New York, ça n'existe pas. Donc, comme les Lakers, on est sur un modèle où il faut assez rapidement changer, il faut assez rapidement gagner, quoi. Et surtout que là, ça fait un moment qu'on attend, quoi. Donc, La patience, de toute façon, là, je pense qu'elle a atteint clairement ses limites. La patience, il fallait l'avoir, effectivement, pour faire ce qu'il y avait à faire en termes de, si je peux m'exprimer ainsi, de ménage, en termes de contrat. Passer vraiment, oublier définitivement tout l'héritage de l'ère Phil Jackson et ce qu'il avait aussi eu à traiter encore avant lui, pour vraiment partir sur une vraie reconstruction. Sur des bases plus saines, et c'est le cas. C'est le cas. Oui, oui, voilà. Et donc là franchement, le taf, il a été fait à ce niveau-là, rien à dire. Mais après, c'est, voilà, comment reconstruire. Et là, c'est un peu compliqué, d'autant plus que ce n'est pas trop dans la culture. Donc, c'est souvent sujet à précipitation, à des choix un peu trop faciles, entre guillemets. Mais ceci dit, bon, voilà, donc on va avoir une nouvelle présidence, Léon Rose. On verra ce qui sera en capacité de nous faire. Mais à un moment, il va falloir prendre des paris quand même. Tu peux pas. C'est facile, on va dire, de dégager des contrats. Facile, entre guillemets. Mais à un moment, si tu veux construire réellement, il va falloir faire des paris sur certains joueurs qui voudront venir, sur lesquels on va s'engager plus ou moins cher. Et espérons que ce soit les bons paris qui vont être faits. Donc, on est reparti sur une nouvelle ère, en fait. Parce que si tu reviens là, le cas pour Porzingis, on a tout trade, on attendait la free agency. Je reviens pas sur ce qui s'est passé, on le sait tous. Mais du coup, c'est un échec cuisant pour nous, quand même. Et si tu vois, quand on parlait de Masai tout à l'heure, ce que j'aime chez ce garçon, c'est que l'année dernière, quand il fait venir Kawhi, c'est pas simple de le faire venir. Ah bah, il fait un gros all-in, quoi. Parce que en fait, le gars, c'est que t'as Kawhi qui sort d'une saison de blessure, qui est en fin de contrat à la fin de saison, et t'as DeRozan, qui est le meilleur joueur de ton équipe, le meilleur marqueur de l'histoire, qui tourne très bien, adulé des fans, pote de Kylori, qui lui a 2 ou 3 ans de contrat. Quel est l'intérêt? Les gars vont te dire, bah attends... c'est compliqué et tout. Lui, il fait quoi? Non, on y va. Franchement. Non, mais grosse prise de risque et un risque qui s'est avéré payant. Voilà. Parce que Kawhi aurait très bien pu faire la tronche toute la saison, rejouer sur le coup de la blessure, on ne sait pas, diplomatique. Et voilà, donc là, non, il a réussi son coup. Après, on verra, c'est facile. Ils sont champions une fois, ça va être dur de réitérer, même si du Siakam, ils ont été chercher des bons joueurs, ils ont fait des bons trades. Ils ont enchaîné 15 victoires, ils sont à 45. Nous, on n'en est pas à ce statut. Le but, ça reste quand même d'être champion. Ils sont champions. Le but, c'est quand même des cycles en NBA, c'est 4-5 ans pour aller chercher le titre. Tu as des grosses équipes qui peuvent te mettre 3 titres, mais c'est très rare déjà d'avoir le titre. On serait content, enfin on l'a jamais vu. Enfin, moi, de mon vivant, je l'ai jamais vu à New York. Donc, le but, ça serait d'avoir un titre déjà. Bah, déjà, raccrochons les playoffs. Hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Une équipe compétitive qui peut aller en playoff. Et ensuite, la conquête du titre, ça prend du temps parce que si tu regardes dans la ligue en ce moment, sur ces dernières saisons, il y a des équipes qui sont compétitives qui essayent d'aller jusqu'au final, les Sixers, les Bucks et autres. On voit que même des équipes qui sont très très bien armées, ça prend du temps avant d'atteindre les finales et de gagner en finale. Donc non, faut pas griller les étapes. Déjà, c'est retrouver une équipe compétitive, être à la lutte pour les playoffs. Si on est, spot 10 à 6, eh ben, on aura déjà fait une grande marche en avant. Et tout à l'heure, Julien, tu disais d'envoyer des signaux positifs et tout pour attirer du monde. Bah, moi, je trouve que sur les derniers matchs, les Knicks, ils se sont pas apitoyés sur leur sort. Oui, Maurice est parti. Mais ça joue toujours, et la preuve, on sort d'une série de victoires. Donc, c'est plutôt... les joueurs se laissent pas abattre. C'est un business, la NBA, et ça continue de jouer, en fait, mine de rien. Et en parlant de continuer de jouer, en parlant de continuer de jouer, donc on évoquait Mike Miller, ce sera avec lui, sans lui. Il y a beaucoup de noms qui circulent. On parle de Thibodeau, on parle de Van Gundy. On parle de Mark Jackson. On a quand même quelqu'un qui est arrivé au Knicks qui s'appelle Steve Stout, là, qui est... Oui, ça, je voulais en parler après, notre gourou de la com. Mais... non, le gourou du marketing. Le gourou du marketing qui nous en a fait une belle il y a 48 heures, je crois. Oui, exact, En annonçant que Mike Miller ne serait plus là l'année prochaine, en gros, et qu'on cherchait déjà un coach. Moi, je trouve que Miller fait du super taf, franchement. Avec les armes qu'il a, il fait du très bon taf. On ne vise pas les playoffs, on n'y sera certainement pas. Mais dans les coachs que tu as annoncés, moi, franchement, Van Gundy, j'ai regardé parce que je me suis dit, le gars, il n'a pas coaché depuis quand? Vous savez depuis quand il n'a pas coaché? C'était Houston, non? Il était à Houston. 2007 Non, mais 2007, le gars. Ouais, alors, ça va, c'était il y a 13 ans. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de reprendre des gars qui n'ont pas coaché depuis 13 ans, qui sont journalistes sur ESPN et tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher Van Gundy. Et quant à Mark Jackson, qui a une grosse hype à New York, ancien joueur et tout, il est parti à Golden State. Alors, il a fait du taf correct. Mais quand il est parti, tous les Warriors étaient heureux. Et juste derrière, Kerr est arrivé et ça a roulé. Ils ont roulé sur la ligue. Quand il est parti, les joueurs des Golden State n'en pouvaient plus. Le front office n'en pouvait plus. Donc, je ne suis pas sûr que ces deux gars soient franchement ce qu'ils font. On verra. Mais en tout cas, c'est quand même des coachs qui ont plus de hype, qui sont plus hypés. Parce que Mike Miller, il a beau faire ce qu'il peut avec les moyens du bord. Ça attire pas les lumières que New York attend et réclame. C'est pour ça que c'est des noms qui reviennent. Alors après, j'en sais fiche vraiment rien de savoir qui va débarquer là-dedans. Ça parle aussi de Thibodeau. Une expérience un peu plus récente, il a tendance à axer le jeu sur la défense. Bon, ça plaisait plutôt à New York il y a quelques saisons, quelques années. À voir. Mais de toute façon, ouais, moi je pense pas que Mike Miller il va rester. Il va finir la saison, mais on change d'air. Hein. Ouais. Y a une ère Phil Jackson. Derrière, il y a une petite période Fizdale, Mills et Perry en vue de recruter du gros l'été dernier. Ça n'a pas marché. Moi, je pense qu'ils payent le contre-coup. Et derrière, tout le monde dégage et on repart sur une autre ère avec du Léon Rose. Et puis, il va se construire son staff avec son GM. Alors, on ne sait pas qui comme GM. Et également comme coach. Il va choisir un coach pour pouvoir reconstruire. Ils ont un terrain pour reconstruire, en fait. Ils ouais, ont quelques clairement. Joueurs à garder. Ils ont des tours de draft. Il n'y a pas de contrat toxique. Donc, voilà, après, la Free Agency cet été prochain, là, il n'est pas annoncé très, très, très, très haut niveau. Mais voilà, ils vont avoir un plan sur 3-4 ans, je pense. Hein. Ils vont avoir une opportunité sur 3-4 ans pour regagner des matchs et revenir dans la course aux playoffs. Et puis, et peut-être choper quelques gros poissons, si c'est possible, avec un ancien agent influent dans le game. Voilà, je pense que c'est ça la suite de l'histoire pour l'instant. En parlant de reconstruire, là, sur l'effectif qu'on a aujourd'hui, du coup, puisqu'on a un nouveau président et tout, vous gardez qui ? Luc Cornett. Dans l'effectif, non. Bah, ah merde, il est parti. T'es obligé de garder quelques pièces. Mais après, les pièces, t'as quoi ? T'as Mitch Robinson, t'es curieux de voir ce qu'il peut donner. Parce que c'est jeune quand même par rapport à son poste. Et c'est vrai qu'il est régulier. Mais moi, personnellement, je le garde. Je suis curieux de voir comment il peut évoluer s'il est bien entouré. Voilà, le problème, c'est qu'il est entouré d'un Bobby Portis qui pète les plombs. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris que Bobby Portis n'avait pas partie des mecs que je vais garder. Il nous en fait encore une belle, là, contre Washington. T'aimes pas ses gros yeux. Ouais, c'est gars qui le chaud et le froid, quoi. Moi, si j'ai des regrets sur la trade deadline, c'est qu'on n'ait pas réussi à se séparer de certains de ces joueurs. Alonzo ouais. Trier, Dennis Smith Jr. On voit que ça marche pas plus. Les mecs, ils sont au bout de leur life. C'est ça. Ils jouent plus, tu vois. Alonzo Trier, je sais pas depuis combien de temps on l'a pas vu. Faudrait qu'on regarde là, mais il enchaîne les DNP. Alors que l'année dernière, il avait une belle cote. Donc c'est dommage. Faut croire que finalement tous ces joueurs ils intéressent personne quoi. Même dans un package pour récupérer un pick de draft, ça n'a pas marché quoi. Frank Ntilikina, il était annoncé sur du départ, bah visiblement il est toujours là, donc bravo à lui. Mais je pense pas qu'il ait une si grosse cote que ça, Frank. Hein. Non, mais ça reste des joueurs qui ont du potentiel. Ils sont encore jeunes, ils sont arrivés jeunes dans la ligue. Ils n'ont pas montré toute l'étendue de leur talent. Mais c'est un peu ça le problème de Frank là. Donc tu paries quoi, tu fais un pari. C'est comme on regarde Markel Fultz. On l'avait presque pas vu aux Sixers. Le Magic a fait un pari dessus. Bah, ça s'avère un pari gagnant. Y a des joueurs comme ça. Ça se tente. DSG, hier, on sort du match contre les Wizards pour ceux qui il joue 6 minutes, 4 pertes de balles. Ah non, mais là, il a une période d'enchaînement de pertes de balles. Oh, c'était juste insupportable. Ouais. Et en plus, le mec n'a pas de shoot et il shoot à 3. Enfin, ouf, le gars, il fait la totale. Hier, il coche toutes les cases, mais vraiment les mauvaises. Ouais, puis en plus on peut pas le trader, c'est trop tard. Quoi. Non, effectivement, il y a pas grand chose. Oui, Randle, moi je le garde. Par exemple. Clairement. Moi, un que je garde, c'est Elfrid Payton. Elfrid Payton, on en a parlé l'autre fois en disant c'est pas un top meneur. Il fait quand même le taf. Ouais. Alors c'est sûr que si t'as mieux, tu prends et tu le mets en backup. Mais là, aujourd'hui, moi, il me déplaît pas. L'autre fois, il a même sorti un triple-double, il nous sort des matchs à 7 interceptions. Et puis, tu vois, il a un peu de grinta aussi par moment, quoi, derrière son air de faux sage. Donc voilà, moi, ça me plaît plutôt bien, enfin, à défaut de mieux. Elfrid Payton, je garde, Randle, Barrett, Reggie Bullock. Oui. Reggie Bullock, je ne sais plus quel j'aime beaucoup, mais, ouais. Ça peut aider. Dodson, on ne le voit plus trop en ce moment. Ouais, désolé, mais laisse-le dans la rotation, mon petit, laisse-le tranquille. Voilà, il fait pas de bruit, il coûte pas trop cher. Ouais, exactement. Il t'en faut des mecs comme ça dans le roster. Il y a un cas qu'il faudra aborder, c'est quand même Kevin Knox, parce que là. Oui, je suis assez d'accord. Là, c'est plus possible. Les matchs, franchement, je sais pas. Enfin, je focalise pas sur. C'est insipide, il traverse les matchs comme ça. C'est insipide. À chaque fois, je le regarde, tu vois, il est nul. Okay. Non, mais attends. Offensivement, nul. Défensivement, nul. Attends, au shoot, il met pas dedans. Mais attends, tu regardes défensivement, chaque adversaire sur leur premier pas, tu sais même pas où il est le gars, il se réveille. Ah non, ouais. C'est bon, dépassé. Toujours fait, dépassé, ouais. Il est à l'ouest total. Il y a. Alors lui, j'arrive jamais à le dire. En défense, en défense, parce qu'en attaque, voilà. Bon, en attaque, pas non plus... il n'est pas dedans, mais en défense, il fait le taf, quoi. Il y a Brazdekis, à chaque fois, j'arrive pas à dire son nom, qui est en G-League, on ne lui donne pas une minute. Franchement, je ferais un switch, tu vois. Bah, vu ce qu'à Port Knox, tu le mets un peu en G-League et tu mets Brazdekis et tu dis, bon, bah écoute, nul pour nul, on va voir ce que tu veux, toi. Ouais, mais après, si tu cherches à t'en débarrasser, faut un petit peu le mettre en vitrine, tu vois. Le valoriser. Ouais, mais là, en fait, ce que tu montres, c'est qu'il est nul. Donc, à un moment donné, c'est nul. Ouais. Qui n'en veut personne, bon, bah. Il n'y a plus de doute. Il n'y a même plus de doute. Il a un potentiel. Ah non, il n'y a pas de potentiel. Knox, quelques regrets, parce qu'effectivement, moi, je le sentais, au début de saison, je le sentais vraiment à l'aise dans son rôle. De gars qui sort du banc et voilà, qui peut apporter un peu de scoring comme ça, un peu de stretch aussi, mais là en fait, au-delà de ses perfs, c'est son attitude sur le parquet, quoi. Je veux dire, les gars, il dégage rien, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de réaction, c'est limite, le gars, il se mange un écran, il tombe par terre, il sourit, enfin, je sais pas, quoi. C'est... Il mange ou protège dedans comme Curry, mais c'est la seule comparaison avec lui, j'arrête là. oui, rien à voir. Bah, après, ça reste un jeune joueur, donc on n'a clairement pas tout vu de lui. Il a un potentiel athlétique, parce qu'il est quand même assez long, assez fluide, malgré tout. Il y a quelques jours, il y a une vidéo de lui en mode lycéen qui est ressortie, ou à la fac, je sais plus. Non, c'était lycéen. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas le même joueur, quoi. On parle pas de la même personne, quoi. Il avait une aisance dans le jeu. Alors, je sais pas, j'ai du mal à comprendre aussi. Des bons débuts de saison en sortie de banc. Là, tu te dis, avec Maurice qui part, limite, ça lui rouvre des opportunités. Bah, non, quoi. Donc, quand on parle de faire jouer les jeunes joueurs, faut qu'ils aient la niaque, faut qu'ils aient envie, quoi. Et c'est pas le cas. Ouais, au moins, fais-moi rêver sur deux matchs d'affilée en prenant feu, tu vois. Mais là, en fait, le gars, il a un traumatisme. Il a le traumatisme Zion. Il a vu qu'il était revenu dans la ligue. Zion dit, oh là là qui va encore m'arracher les bras. Et encore, ils se sont pas confrontés. Il y a pas encore eu le second match contre les Pels. Alors là, ce jour-là. ouais, il sera en DNP, quoi. Ça sera mieux pour lui. Ouais, mais effectivement, voilà, on a une base de joueurs, ceux qu'on va garder, ceux qui vont partir, ceux qu'on va pouvoir trader. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, clairement. Bon, après, en parlant de boulot, il y a quand même eu des derniers matchs assez intéressants. Il y a eu quand même historiquement la première série de victoires. 4 victoires d'affilée. 5 contre Indy. Non, 4. 4-4. Indiana, Cleveland, Orlando, Détroit. Après, c'est. Atlanta, il a fallu 48 points de Trae Young et une double overtime. Décidément, il Atlanta. Manque Maurice à Atlanta. Non, ouais. Je suis même pas sûr. En fait, pour moi, Atlanta, le match, on ne gagne pas quand il faut, à savoir à la fin du temps réglementaire et à la fin de la première prolongation. Quoi. Du coup, la deuxième prolongation, voilà, on se fait marcher dessus. C'est dommage qu'on n'était pas si loin que ça. Bon, puis là, le dernier match contre les Wizards, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Horrible. 3 sur 20 à 3 points, quoi. Et en parlant des derniers matchs, moi, je me demande si RJ n'est pas revenu trop tôt. Ouais. On le sent encore un peu hésitant sur certains moves, ouais. Ouais, juste avant sa blessure, mais c'était un peu plus fluide et tout. J'ai entendu qu'il voulait absolument faire le Rising Star Game. Donc je pense qu'il est revenu pour être All-Star. Mais pour moi, le gars n'est pas encore apte à jouer. Et du coup, honnêtement, sur le match contre les Wizards, il a moins forcé sur le shoot à 3 points, il a plus attaqué le cercle. Et c'est là où il est meilleur, qu'en fait. Parce qu'il a une façon de rester équilibré, même face au contact. Donc, c'est ça, en fait. Au début, sur le match d'avant d'Atlanta, il arrose plus de loin. Mais parce que quand tu reviens de blessure, t'as pas envie d'aller au contact, au mastic tout de suite, quoi. Ouais, non, mais ce qui est normal. Hein. C'est pas grave. Il est là aussi. C'est une année d'apprentissage. Des blessures, il y en aura d'autres. Des chevilles qui tournent, il y en aura d'autres. Surtout quand tu portes des pumas. la gratuité. Le placement de produits à l'envers. En tout cas, si Puma nous écoute, moi je ne les ai pas attaqués, je les aime beaucoup. Oh, elle est beau, Julien. Voilà. Mais t'as raison, ça s'entretient les contacts. Ouais, moi je porte des Jordan. Moi, si Jordan nous écoute. Et si Jordan nous écoute, j'adore aussi Jordan. Et Nike, et Adidas. Voilà. Je cite Adidas aussi, comme ça on aura fait le tour. Et oui. Donc, moi, cette série, quand même, m'avait donné un peu de baume au cœur en me disant, certes, on n'a plus grand-chose à jouer, mais bon, il y a quand même du jeu. Lors d'un année podcast avec Jules, on évoquait le fait que, regarder le match des Knicks malgré tout, parce qu'il y avait des personnes qui nous donnaient envie de regarder le match. On évoquait notamment Marcus Maurice. Là, il n'y a pas Marcus Maurice. J'étais curieux de voir un peu comment ça... commence à les jouer, commence à les compenser un peu le fait qu'on ait notre allez, option 1 voire 2 offensive qui ne soit plus dans le roster. Bah, je trouve que voilà, Peyton, il a trouvé son rôle. Il a haussé son niveau. Il a haussé son niveau. Offensivement, ouais, il est plus présent. Il est plus propre. Ouais. Randle fait du Randle. Bah, on n'est pas loin du double-double à chaque match. Après, il y a du déchet. Mais... On a sorti Wayne Ellington du placard. Voilà, bon, lui, bon, c'est un bon, il veut se barrer, clairement. Il a commencé déjà à un peu ouvrir sa bouche dans ce sens-là. Et quelques matchs victorieux, il était à droit. Il y a Taj Gibson, 55 ans, mais le gars, il fait le taf. Hein. 55 ans. Non, c'est vrai. Mais t'as raison, parce que le pire, c'est qu'on n'en parle pas du tout, mais t'as entièrement raison. Franchement, il est starter, il est propre. Lui, toujours le même move, toujours le move efficace. Franchement, quand il est sur le terrain, New York tourne bien. C'est con à dire, mais New York tourne bien quand il est sur le terrain. Et je pense que c'est un bon mentor pour Mitchell Robinson. Ouais, clairement. Je pense que voilà. C'est pas Portis, le mentor. C'est le menteur. non, mais voilà, ouais. Pour encadrer Mitchell Robinson, c'est pas mal. Et si Mitchell Robinson pouvait s'inspirer de quelques moves de Taj Gibson, ça ferait pas de mal. Parce qu'offensivement, on est sur quelqu'un qui est assez limité pour l'instant sur Mitchell Robinson. Il sait que du dunk. Il sait faire que le dunk aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il n'a pas de shoot, pas de move, c'est que du dunk. Ouais. Alors, après, à côté de ça, par contre, si tu défends très bien en contrepartie, moi, je t'en voudrais pas beaucoup, tu vois. Chacun son job. Là-dessus, il s'améliore, mais il reste quand même très, très vite dans les fautes. Mais bon. Voilà. Ah, ça va. Il y a du boulot. Mais c'est pour ça que moi, je sais que de le voir sur les 2-3 prochaines saisons. Si on parvient à le garder et puis à être patient avec lui, je pense qu'il y a quelque chose de sympa qu'on tient entre les mains. Quoi. Donc, avec RG, c'est notre John le plus intéressant aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, alors du coup, pour finir, vous voyez quel bilan à la fin de la saison. Là, on est à quoi? On est à 17 victoires. Est-ce qu'on va battre le triste record de la saison dernière? On va dire que on oui. On fera mieux. Mais jusqu'où on va aller? Tu peux faire que mieux. On a fait qu'une fois. De toute façon, on n'a pas fait pire. Si on a une fois, on a fait pareil. Mais on n'a pas fait pire. On a fait combien l'année dernière? Je ne me rappelle même plus. 19? Faut pas. Non, 17. Non, 17 non, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. 17. Mais écoute, ouais, si on. Passer la. Allez. Au quoi on est 13e à l'Est, bah tu vois, moi franchement, si on fait top 11, elle est top 10 à l'Est, franchement, je serais content parce que c'est du tanking avec panache. Voilà. Avec style. Avec quelques matchs où quand même tu peux te targuer d'avoir une victoire d'élite. Tu sais que l'année dernière, les Pelicans, ils sont, je crois, à plus de 30 victoires ou un truc comme ça, ils ont le premier tour de draft. Hein. Alors tu vois, comme quoi ça veut pas dire grand chose. Donc tout est possible en NBA. Quitte à ne plus avoir d'ambition sur cette saison, quitte à faire une croix sur cette saison, autant de temps en temps faire quelques hold-up, tu vois, donc qu'on puisse, en tout cas, qu'il n'y ait pas de blow-out sur blow-out en fin de saison. Voilà, c'est juste ça, qu'on puisse voir des matchs de basket, quoi. Fin de premier quart-temps, tu sais déjà que le match est plié, c'est horrible. C'est pas ce qu'on voit en ce moment, donc du coup, il y a moyen de récupérer quelques wins dans les mois à venir, quoi. Tout de même, et faire mieux que l'année dernière. Clairement. Ok, messieurs, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez un dernier petit message à faire passer. On part à New York. Oui, on part à New York, ça c'est la bonne news. Make a trip is coming, ça va être lourd. Donc suivez-nous sur les réseaux, on va partager des contenus et tout. Il y aura peut-être une petite surprise. J'ai entendu parler d'un jeu concours prochainement, là, mais on dit rien de plus. Donc, suivez les réseaux sociaux. Il y a peut-être une petite surprise qui vous attend quand on sera à New York. Ouais, j'ai eu écho de ça aussi, ça risque d'être très très lourd. Juju, un petit mot. Oh bah écoutez, je suis content de partir à New York, j'ai hâte. Et puis, même si on râle, ce qu'on aime aussi à New York, c'est qu'il y a toujours de l'actualité, il y a toujours de quoi se mettre sous la dent, on a toujours de quoi débattre. Et j'ai pensé l'autre jour à la trade deadline, il y a des équipes, on n'entend jamais parler, ni à la trade deadline, ni vraiment à la free agency, elles sont tranquilles et tout. Mais nous, au moins... On a toujours de quoi dire, on a toujours de quoi être content ou pas. Et ça, c'est vraiment génial quand même avec les Knicks. On s'ennuie jamais, ouais. Ah, ça, c'est formidable. Et puis, l'avenir n'est pas si noir que ça, pas si rose, mais je pense que voilà, ça peut être sympa. Si, rose, Léon Rose. Tu ne l'as même pas fait exprès. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. C'est travaillé. Bon, en tout cas, sur ces bonbons, messieurs, moi, je tenais vraiment à vous remercier. C'est toujours un plaisir de partager l'Actunix avec vous. Un petit message de paix au passage au niveau des comptes.fr sur Twitter. Les gars, embrassez-vous, calmez-vous, nous sommes ensemble. C'est voilà. Qu'un jeu, c'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Éclatez-vous, rencontrez-vous, ça se passera bien. et je tenais aussi également à remercier ceux qui nous suivent évidemment sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, qui viennent voir un peu ce que l'on poste sur notre site nixnationfrance.com. Donc un grand merci à vous pour votre soutien, pour la force que vous nous donnez au quotidien et pour les retours positifs que vous nous faites. Et puis on vous donne rendez-vous déjà pour ceux qui voyagent avec nous pour le Mecha Trip. Donc d'ici fin février, nous sommes partis. Et puis pour les autres, on vous donne rendez-vous sur les prochains événements que Nixnation France va vous concocter. En tout cas, messieurs, merci pour tout. Passez une bonne fin de journée, bonne semaine, bon courage. À très bientôt. Et évidemment, on est ensemble, messieurs. Nix un jour, Nix toujours. Portez haut nos couleurs. Et à très bientôt. Au revoir, Juju. Que la force soit avec toi. Merci beaucoup. Au revoir, Joanie. À très bientôt. Ciao, ciao. I always will be a Nick. Always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.